Le dirigeant suprême Kim Jong-un a inspecté la fabrique des articles hygiéniques dentaires nouvellement construite. Il a été accompagné de Fang Byung-soo, de Park Bong-joon, de Choi Tae-bo, de Soo-yong, d'An Jong-soo, de Song Chan, de Cho Yong-won et de Ma Eun-chun. Rappelons que l'usine a été mise sur pied sur l'initiative personnelle du dirigeant suprême et grâce à ses mesures prises pour régler les problèmes posés. Elle est bâtie au total sur plus de 12 720 mètres carrés. C'est un centre de production synthétique des articles hygiéniques dentaires de capacité de production des dizaines de millions de dentifrices, de colutoires et de toutes sortes de produits par an. En regardant le panorama de l'usine, le dirigeant suprême a dit qu'une nouvelle usine chic est mise sur pied, que la couverture des murs extérieurs avec les dalles blanches et vertes, conformément au profil du centre de production des articles hygiéniques, offre un beau paysage décent. Après avoir écouté l'explication devant le plan des processus de production et du plan à vol d'oiseau, il a fait le tour de divers endroits tels que la salle de commande de production intégrale, le processus de production de dentifrice, le processus de production de colutoire, le processus de production des articles hygiéniques dentaires, la salle d'analyse, pour s'informer en détail de l'état de construction et de production de la fabrique. Il a dit que l'usine contribuera considérablement à l'amélioration de la santé de la population, qu'il en fait grand cas, avant de présenter les tâches de valeur de guide pour l'entretien et la gestion de la fabrique. En affirmant que par la construction de cette usine, son vœu de satisfaire les habitants en divers articles hygiéniques dentaires de bonne qualité est réalisé, le dirigeant suprême a déclaré avec satisfaction qu'il est vraiment content d'avoir contribué à l'amélioration de la santé de la population. Il a recommandé de normaliser au niveau élevé la production des articles hygiéniques dentaires pour livrer normalement les produits de bonne qualité aux habitants, afin que le peuple puisse en tirer profit. Il a promis de régler lui-même les problèmes qui peuvent être posés au cours de la production et indiqué de lui en signaler s'il y en a. Il a dit que le parti accorde toujours un grand intérêt au travail pour jeter les assises matérielles et techniques plus solides dans le secteur sanitaire, afin de mettre plus en valeur la supériorité du régime sanitaire socialiste de notre pays, unique dans le monde, où le parti et l'État prennent en charge et soignent entièrement la vie et la santé de la population. Il a ajouté que notre peuple doit éprouver dans la vie pratique les bienfaits du régime sanitaire socialiste et mener une vie heureuse. Le dirigeant suprême Kim Jong-un a exprimé attente et confiance que les cadres et les ouvriers de la fabrique des articles hygiéniques dentaires feront preuve de leur force, passion et intelligence pour contribuer à l'amélioration de la santé du peuple.